le système dans lequel on vit tout en le faisant. Fonctionner en consommant, difficile de faire autrement. Je vis avec mon temps, suivant le troupeau comme tous les autres moutons. J'reste militant, mais c'est le berger qui tient le bâton, qui nous le met dans les roues et qui nous mène en bateau. Nous fait béton quand on marche encore à tâtons et resserre les taux, l'état nous la met en beauté après la pluie, le beau temps. Parce que pointé ou pas, je suis déjà blasé depuis longtemps. La France accueille à bras ouverts, mais les vitrolets ont vite compris que mes graines étaient qu'une brute. Mon cœur abrite la souffrance des colonies. Si Auschwitz n'est qu'un détail, c'est que Le Pen est un sale porc. Faire la misère, c'est tabou pour les toupables. Les coups bas de Condé, coupables de meurtre sur les couleurs d'affiches. Je paye de mon épiderme. Une aide au commissariat qui ne referme pas de fantômes. Voir l'arrivée de terroristes, où la violence augmentée puis s'acharner sur l'islamisme fait la joie du nationalisme. Il suffit d'une chaîne à audience, d'un arabe dans leur rubrique, pour outrager la vieille France et choquer l'opinion publique. Mais que dire de la République? C'est que pour un bico ou un nègre, les maigres salaires sont les mêmes, donc ils touchent le sketch. Je retranscris les joies et larmes, les cris et drames, dénoncent l'état et ses méfaits, car la bouche est une arme. Niquez le système, ils auront le feu car ils ont semé la reine. Qu'on les brûle, qu'on les pend ou qu'on les jette dans la scène. La jeunesse du ghetto a de la rage qui coule dans les veines. Il faut briser les chaînes pour niquer le système. Ils auront le feu car ils ont semé la haine. Qu'on les brûle, qu'on les pend ou qu'on les jette dans la scène. La jeunesse du ghetto a de la rage qui coule dans les veines. Il faut briser les chaînes. Vois-tu donc pas à quel point elle est terrible? De lire dans l'abîme le désespoir d'une communauté, de survivre aux erreurs de l'abîme. Et dans ce combat ultime, je protège, me noie dans ces sombres dessins, lieux où les déceptions se succèdent et où s'accroissent ces certificats d'essai. Même en ces heures sombres, ils m'insurgent. Sache que je ne cesserai de contester les conditions de vie en HLM. Ils nous ségrègent, c'est vrai, mais la France, c'est pas la Hongrie. Ici, il faut que tu traînes ton petit gré pour que tu puisses un jour te prétendre libre. Hey, elle cherche à brûler nos racines. Tous les ans, tous les mois, tous les jours, c'est nos frères qu'elle assassine. Elle nous tchatche, elle nous ment, elle nous bluffe, elle nous bassine. C'est l'ennemi du ghetto. Un mauvais jour se dessine au Babylone. Ton système est conçu pour nous enterrer plus tôt. Mais y'a des soldats, des vrais guerriers dans le ghetto. Avoir la foi, garder la tête haute, c'est ça qu'il faut. Faire front, faire lever le métro. J'aimerais être dans la peau de ce flingue tenu dans la main d'un beurre qui se verrait canner Le Pen. J'aimerais être dans la peau de ce surin tenu dans la main d'un nègre pour une balafre sur mes grès. J'emmerde la droite et leurs élus. J'aimerais que mon majeur crève l'œil à Jean-Marie. Je me battrai pour la richesse de mes racines quand un facho meurt, bagarre à les sourire. Niquez le système, ils auront le feu car ils ont semé la haine. Qu'on les brûle, qu'on les pend ou qu'on les jette dans la scène. La jeunesse du ghetto a de la rage qui coule dans les veines. Il faut briser les chaînes pour niquer le système. Ils auront le feu car ils ont semé la haine. Qu'on les brûle, qu'on les pend ou qu'on les jette dans la scène. La jeunesse du ghetto a de la rage qui coule dans les veines. Il faut briser les chaînes. J'ai vu les yeux de la haine sous un drap blanc. Le Mississippi tuait des innocents. La France donnait au FN plus de 13%. J'ai vu les frères combattre leurs propres frères. Des histoires à 5 francs, suivies d'un meurtre et d'un enterrement. J'ai vu les yeux de certains hommes politiques qui avant de penser au peuple ne cherchent qu'à devenir président de la République. J'ai vu le reflet de mes yeux dans ce miroir. J'écris mes peines sur le grimoire. Et ben à 8 de plus pour changer l'histoire. J'accuse les juges de faire preuve de préjugés. J'accuse le droit donné à un seul homme de pouvoir nous juger. J'accuse cet engouement qu'a l'humanité pour le dégoût. J'accuse les procureurs de mettre les mêmes sous écrou. J'accuse les chiens de l'État d'avoir la gâchette facile. J'accuse celui qui enferme un frère entre quatre murs. J'accuse certains prêtres de vouloir toucher ce qu'on a conçu. J'accuse nos concrétistes de n'être qu'une bande de démagogues. J'accuse les morts subites pour un paquet d'oseilles. J'accuse les dirigeants de tirer les ficelles. J'accuse les élus trouillards des ghettos de chez eux. J'accuse l'état de tout leur business mafieux. J'accuse la colère de trop bien faire son boulot. J'accuse ce système où t'es rien sans fric. J'accuse cet arôme de drame d'être un zéphyr de folie. J'accuse les élus corrompus de profiter mais de leur statut. Niquez le système, ils auront le feu car ils ont semé la haine.